Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des deux animateurs de ce beau programme. L'autre, une personne que parfois je me plais à l'appeler mon ami, des fois je suis pas tellement sûr, mais il est là à chaque semaine avec moi, c'est le journaliste automobile Marc Bouchard. Salut Marc. Salut Luc. Faut préciser aux gens que hors d'onde, je me paye ta gueule un peu depuis quelques minutes. Un peu? Un peu. OK. On n'a pas les mêmes un peu, mais c'est pas grave. Donc, Marc, on a beaucoup de sujets encore cette semaine. Une émission bien remplie. On Oui, ben va. effectivement, c'est ben l'actualité automobile, mon cher, en janvier, février et mars, c'est toujours la grosse saison. Alors, c'est la partie que je préfère. Ouais, c'est après ça tombe un peu plus tranquille plus tard dans l'année. Mais oui, le début d'année avec tous les salons, puis tous les nouveaux modèles, puis ces choses-là qui sortent, c'est assez intéressant. Effectivement, et on va bien s'amuser. On devrait. Donc, on va commencer. On va parler du Salon de l'Auto de Québec, salon où je serai présent le 29 février pour la journée de presse. Pourquoi qu'on parle du Salon de Québec? Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses que Montréal n'a pas dû à notre emplacement dans l'année. On est le premier salon canadien, oui, mais malheureusement, pour le Salon de Montréal, c'est qu'il tombe en même temps que le Salon de Détroit. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas un peu à cause de ça et que Québec va avoir vu sa position dans le calendrier de l'année. Donc, il va y avoir des choses intéressantes à aller voir comme la Bugatti Veyron, les McLaren. Il va même avoir ceux qui aiment la Star Wars, un peu comme moi, il va avoir le Land Je sais pas de quoi tu Speeder, parles. l'espèce de véhicule brun qui flotte sur les déserts de Tatooine dans le premier Star Wars. Donc, ça va être présent au Salon de Québec. Il va y avoir plein d'autres choses aussi. Je sais, Marc, que tu as des détails que je n'ai peut-être pas. Mais Alors. en fait, c'est que tout ce que tu viens de nommer, pas tout ce que tu viens de nommer, mais entre autres ton fameux Land Speeder de Star Wars, là, c'est une partie d'un volet qu'on a inauguré l'année dernière au Salon de l'Auto de Québec. Alors, il faut préciser que cette année, le Salon de Québec s'agrandit. C'est-à-dire qu'ils ont loué un espace supplémentaire qui va être relié par une passerelle. Donc, on a plusieurs dizaines de 1 000 pieds carrés de plus au Salon de Québec cette année. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour le salon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va y présenter les voitures d'exception, dont le volet cinéma. Évidemment, bon, tu auras compris que ton Star Wars fait partie de ce volet cinéma, mais il y aura plein d'autres voitures, entre autres la Mystery Machine de Scooby-Doo qui est supposée être sur place. Alors, il y a plein de voitures comme ça qui sont tirées des films qui vont être dans la portion cinéma. L'an passé, ça avait été un hit absolument incroyable. Il avait présenté entre autres la DeLorean, il avait présenté quelques voitures, Kit, entre autres la fameuse voiture de K2000. Oui. Et bon, évidemment, vous aurez compris que ce sont des reproductions. C'est des gens, souvent des collectionneurs du Québec, qui ont assemblé ces voitures-là, qui les ont faites selon les spécifications techniques. L'année passée, le fameux kit en question répondait même à la voix, c'est-à-dire que tu pouvais lui dire de ouvrir ou fermer les fenêtres et elle le faisait. T'sais. Alors, cette année, on nous promet donc des voitures du même genre, y compris ton fameux véhicule de Star Wars, dont je ne partage pas tout à fait la passion, mais ça fera l'objet d'une autre discussion dans un autre moment. Ouais, c'est pas nécessairement un beau véhicule, mais ça reste un véhicule intéressant, tu sais. Oh, non, effectivement. Puis comme je te dis, c'est comme la Mystery Machine de Scooby-Doo. On s'entend pour dire que c'est une vieille van de hippie, là. Mais si on est capable de la faire comme ça, et il y en a plusieurs autres aussi qui vont être là. Tu as parlé, bien sûr, aussi des McLaren. Ça, c'est intéressant parce que McLaren, évidemment, veut prendre beaucoup, beaucoup plus de place sur le marché québécois. Pas nécessairement de la région de Québec, mais bien de l'ensemble du Québec parce que, on le sait, ils vont bientôt ouvrir une concession, une première dans la région de Laval. Donc, McLaren va être présent. Ils vont être là avec 4 modèles à Québec. Pas un seul, mais 4. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, c'est quoi? C'est la 675 LT, je pense, qui a été faite à peine à 200 copies dans le monde. Et il y en a une au Canada et elle sera là. Même chose au niveau de la Bugatti Veyron, tu l'as dit. Il y en a eu 450 de construites. Et ce sera une des Bugatti qui valait à l'achat 1,8 million de dollars, mais évidemment, c'est devenu une pièce de collection. Alors, elle vaut probablement beaucoup, beaucoup plus que ça pour le moment. Ouais, il va y avoir ça. Il va y avoir aussi des essais routiers. Donc, un peu comme à Montréal, vous allez pouvoir aller essayer des véhicules électriques. Il y a des véhicules de luxe qu'on parle. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être classifié véhicule de luxe. Je ne sais pas si tu as Mais plus de détails là-dessus. Je sais, entre autres, qu'il y aura des Porsche, notamment, qui vont être là. L'année dernière, on avait fait des essais avec des Lamborghini. Je ne pense pas que cette année, ces voitures-là soient là. Mais on fait vraiment des efforts particuliers pour avoir des véhicules assez uniques, assez particuliers. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Il y aura aussi des essais de voitures plus vertes, des essais de voitures électriques notamment. Donc ça aussi, ça fait partie des spécificités que Québec veut se donner comme salon. Faut aussi préciser, Luc, j'ai parlé de l'agrandissement tantôt. Cette année, il y aura plus de 400 véhicules au Salon de Québec. C'est énorme, là, parce que si tu veux une comparaison, il y en avait à peu près 650 au Salon de Montréal. Fait que pour un salon qui se dit régional, qui se veut régional, c'est quand même assez imposant comme façon de faire. Je trouve que c'est absolument génial là, comme procédure. Ouais, puis on va même avoir des primeurs canadiennes, des primeurs québécoises, des primeurs provinciales, donc québécoises. Donc c'est un salon. Moi, j'ai jamais été au salon de Québec. Ça tombait bien. Je suis jamais allé au salon de Toronto non plus. Montréal, ça fait quand même quelques années que j'ai la chance d'y aller les journées de presse, là. Fait que Québec, ça va être le fun. J'ai l'impression que ça va être peut-être un peu plus petit, peut-être un petit peu plus intime, mais j'ai hâte de voir ce salon-là. Ça m'intéresse. Ben c'est sûr que la journée de presse en général, elle est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on voit ailleurs parce que, tu l'as mentionné, ce sont des premières souvent, je dirais des primeurs qu'on a déjà vues ailleurs. Mais il y a quand même des surprises. Il y a Toyota, entre autres, qui va faire une première canadienne. C'est la CHR, l'espèce de prototype particulier qu'on avait présenté au salon de c'est au salon de Détroit, je Je pense. pense que Non, Los ouais. Angeles. Los Non, Angeles. c'était à Los Angeles qu'on l'avait présenté, OK. qui était un Sion. Ben là, évidemment, ça va encore être présenté, je pense, comme un Sion parce que c'est le nom du prototype. Mais dans les faits, ça va être un véhicule de production dans quelques mois et ça va devenir le Toyota CHR, en tout cas, on ne sait pas trop comment il va s'appeler, là, Ouais. mais Mais s'il va effectivement sur le s'appeler site du salon, il est présenté comme Toyota CHR. comme ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, Mais en fait, il y a le badge Sion dessus. moi, je parlais avec le directeur général qui est un peu mêlé parce que il n'est pas trop sûr de comment l'appeler. Parce qu'effectivement, théoriquement, le concept, c'est un Sion, mais techniquement, dans les faits, il va être commercialisé comme un Toyota. Alors, on est un peu coincé entre les deux. Mais bon, un dans l'autre, là, il va être là. C'est un petit véhicule utilitaire sport. C'est un petit sous-compact, un peu, là, compétiteur du CX-3, du Honda HR-V, de ce genre d'affaires-là. Donc, évidemment, on espère beaucoup parce que c'est un marché qui est en grande progression et c'est un marché dans lequel Toyota était absent. Alors, je pense que ça va considérablement les aider, là, à faire quelque chose, disons, à se populariser dans la région avec un véhicule qui, pour le moment, avait été super bien reçu lors de sa présentation comme prototype. Moi, surtout si ça ressemble un petit peu à, tu sais, ça a l'air un peu osé comme un design d'un Juke ou quelque chose comme ça. Ça a pas l'air à suivre les lignes normales de ce que Toyota fait normalement. Fait que ça pourrait attirer les plus jeunes peut-être à aller vers ce véhicule-là. Des fois, qui cherchent quelque chose qui est pas dans le moule, tu sais, qui sort un peu du design régulier, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. La petite photo a l'air très bien. Je l'ai pas vu en personne. Je vais le voir à Québec. Ça va faire du bien. Ouais, moi, je l'ai vu. Écoute, c'est différent complètement. Mais comme tu le mentionnes, il faut se rappeler que c'était aussi un véhicule Sion. Donc, c'était avec la personnalité de Sion. Écoute, je serais le premier surpris que le véhicule de production ressemble à ça pour vrai, mais quand même. Ouais, on Et sait on jamais. est. Bah ouais, tu sais, c'est audacieux, c'est un peu osé. C'est intéressant. Donc, ça devrait bien fonctionner, là. Donc, si on passe un petit peu à travers là, vite vite ce que vous allez pouvoir voir au Salon de Québec, parce que je suis sur le site du salon où il mentionne nos vedettes. Donc, découvrez nos vedettes 2016. On parle de la Bugatti Veyron, la McLaren 675LT, la Lamborghini Huracan LP 580-2. C'est la Huracan à propulsion. Parce que normalement les Huracans sont les Lamborghini sont toutes quatre roues motrices à peu près. Non, en fait, la Huracan 4 roues motrices vient à peine d'être dévoilée. Elle était dévoilée de mémoire au Salon de Los Angeles aussi. Ça n'existait pas. La première Huracan n'était pas 4 roues Elle motrices. était propulsion? OK. Donc en tout cas Mais celle-là, ça arrive avec un nouveau moteur, là. C'est la nouvelle Huracan LP 180. OK. Moi, ouais, j'ai pas l'occasion de conduire ça, mais souvent des Lamborghini. Voire jamais. C'est ça, Toyota CHR qu'on a dit qui était probablement un Sion. Aston Martin Vanquish, la BMW i8, qui est une magnifique voiture. On va avoir aussi le concept Subaru qu'on a vu nous à Toronto, Subaru Berlin, qui est une vraiment magnifique concept. Là, ça m'a presque jeté à terre quand j'ai vu ça à Toronto. Il va être à Québec aussi. Ghost 2 de Rolls-Royce, Jaguar F-Type. La Jaguar F-Type, attention, la Jaguar F-Type qui est là, par exemple, c'est la Project 7, ouais, la Project 7, c'est la seule au Canada. Hein. Il n'y en a pas d'autres, il y en a une seule et elle sera là. Donc ça, Alfa Romeo, Giulia, Tesla Model S, la Chevrolet Bolt que j'ai conduit 5 heures vers Toronto pour aller voir. Elle va être à Québec aussi. C'est un peu pourquoi j'avais planifié ma visite au salon de Québec. Dans ce temps-là, le salon de Toronto n'était pas prévu. Ford Escape 2019. Il y a un fatigant qui a insisté pour que tu ailles à Toronto. Ah ouais, il connaît pas, lui. Je sais pas. Ford Escape 2017, belle refonte pour l'Escape. Si vous attendiez pour vous acheter un VUS puis vous aimiez pas trop le look de l'Escape présent, moi, je trouve que la calandre en avant était vraiment trop petite pour la grosseur. Ça faisait trop auto, pas assez camion. On a réglé un peu ce problème-là. Infiniti QX30, le nouveau Chevrolet Trax, Chrysler Pacifica. Si vous vouliez vous acheter une grand caravane ou un Town and Country, Chrysler va offrir la Pacifica qui est la remplaçante qui va être disponible en hybride et hybride rechargeable. C'est toujours une bonne idée. Et puis, la nouvelle Lincoln MKZ, sauf sur le site, on a la photo avec l'ancienne Calandre. J'imagine qu'ils n'ont pas eu de photo pour le 2016. Mais ouais, l'espèce de nez que je trouvais pas tellement intéressant. Mais bon, donc plein de choses à voir au Salon de Québec cette année et j'y serai, je vous en reparlerai après la visite. Oui, ben écoute, il y en a un que t'as oublié, je suis obligé de te le dire, c'est le Honda Ridgeline. Quand même, c'est une camionnette qui va être importante dans son créneau, dans son marché. Et il y aura la première Genesis, la Genesis G90. Ben, pourquoi je dis la première Genesis, évidemment, c'est parce que Hyundai a décidé d'abandonner l'appellation Genesis pour ses voitures et transformer ça en une marque de luxe. Donc, ça devrait ça aussi faire son apparition au Salon de Québec. Ça devrait être bon. Donc, Salon de Québec, on va vous en reparler après que j'aie fait la visite. Et le Salon de Québec se déroule. J'essaie d'avoir les dates. Là, c'est... Du 1er au 6 mars, c'est au Centre des Foires, juste aux côtés du Centre Vidéotron, en fait, si tu connais le coin. Là. C'est au Centre des Foires. Et cette année, on a pris le Centre des Foires lui-même et, comme je le disais tantôt, le pavillon de la jeunesse. Donc, un salon qui est plus grand que jamais. C'est du 1er au 6 mars, donc ça s'en vient très bientôt. Super. Nous allons maintenant discuter de nos... Marc, de son essai de la semaine. Moi, c'est un essai que j'ai fait un petit peu plus tôt. C'était mon essai un petit peu après le temps des fêtes et non pas un essai que j'ai fait dans les dernières semaines. Marc, tu as la chance d'avoir un Honda CR-V 2016 à long terme. Parle-nous de ça un peu, comment ça se comporte ce nouveau CR-V-là? Ben, en fait, c'est la même chose que le 2015, hein, on va se dire les vraies affaires. Là. Okay. C'est en 2015 qu'il a été modifié essentiellement au niveau du look. Oui, effectivement, je l'ai à long terme. Ça veut dire ça que au lieu de le conduire pendant 5 ou 6 jours comme on fait d'habitude, là, je l'ai pour quelques mois. Donc, j'ai eu l'occasion, je suis allé chercher en décembre, j'ai eu l'occasion de traverser le temps des fêtes et de rouler en masse sur l'asphalte, parce qu'évidemment, on n'a pas eu de neige dans le temps des fêtes, non. Ou très peu. Ouais, du tout. Et depuis quelques jours, ben, j'ai eu droit au grand froid et à la neige plus abondante et aux surfaces glacées. J'ai fait d'ailleurs des voyages, je suis allé à Québec, aller-retour avec. Bon, j'ai fait quelques déplacements comme ça. Écoute, c'est sûr que la première chose que je dois dire du CR-V, c'est que jaillit la grosseur de leur réservoir d'essence. Et pourquoi je commence par ça? C'est tout simplement parce qu'ils ont un tout petit réservoir qui fait à peu près 55 litres. Ce qui fait que peu importe où tu vas, tu deviens intime très rapidement avec ton pompiste parce que tu es obligé de passer souvent. C'est pas nécessairement qu'il est très gourmand, c'est juste que comme le réservoir est tout petit, écoute, j'ai fait l'aller-retour de la rive sud de Montréal jusqu'à Québec et il me reste un quart de réservoir. Pourtant, tu sais, je fais quand même une consommation qui est raisonnable. Aux alentours, je te dirais de 9 litres au 100 en moyenne, malgré la température, malgré tout ce qu'il y a. Mais le problème, c'est que ben il y a pas assez de carburant, donc tu passes ton temps à aller faire le plein, ce que je déteste cordialement, ce que mon épouse déteste encore plus. Ce qui fait que quand elle le prend, je suis sûr que je vais toujours finir par me ramasser au garage parce que c'est moi qui est obligé de faire le travail. Ouais, parce que 55 litres, c'est la grosseur normale normalement pour une voiture. Là. Comme une Mazda 3 va avoir un réservoir de 55 litres. C'est même plus que ça souvent. Si tu regardes chez Honda, on a même des voitures de 45 litres. Okay. Donc, tu sais, on joue vraiment... L'idée, en fait, puis c'est pas fou, c'est que du liquide, c'est extrêmement pesant. Mm-hmm. Alors, plus le réservoir est gros, plus ça alourdit la voiture, plus ça augmente la consommation. D'un autre côté, il faut savoir que c'est assez dérangeant quand on fait de la route, de constamment être à la recherche de stations-service. Oui, c'est sûr que c'est bon pour une bonne autonomie, là, on se cachera pas, c'est 500 km ou à peu près, mais n'empêche que j'ai l'impression d'y aller très, très souvent, ce que j'ai moins l'impression quand j'utilise d'autres véhicules pour faire les mêmes conditions de route. C'est un bon véhicule pour avoir une carte de points. Ouais, exactement. Exactement. Quoique, tu sais, c'est pas qu'il consomme plus non, non, les non, autres. Non, non. C'est juste qu'on y va souvent. Et comme je te dis, là, mon pompiste est rendu qui me connaît par mon prénom. Ceci étant dit, ça demeure cependant un véhicule intéressant. Un véhicule qui se comporte bien, qui est relativement silencieux, dont le système, le rouage intégral, ma foi, est assez étonnant parce que j'ai eu l'occasion de me promener sur des surfaces glacées et chez nous, comme partout ailleurs maintenant, on fait aussi, là, on fait partie des villes avec des quartiers verts, là, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus d'abrasifs chimiques comme du calcium, par exemple, pour mettre dans les rues. Okay. On essaie d'éviter ça. Donc, ça crée évidemment des surfaces beaucoup plus glissantes et mon CR-V a super bien répondu dans ce domaine-là. A jamais eu de problème vraiment et a conservé vraiment sa capacité de traction et son adhérence. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, écoute, c'est le même moteur qui était là. Il y a un seul moteur 2,4 litres de 185 chevaux, 163 livres-pieds de couple. C'est pas un moteur à injection directe, étonnamment. Boîte automatique, 5 rapports, mode manuel aussi, mais on s'en sert pas. C'est évidemment pas un moteur qui est très, très sportif. Donc, il fait des accélérations intéressantes, accélération assez franche, là, assez nerveuse quand tu es en ville. Cependant, si tu essaies de faire des reprises sur autoroute, ben là, tu vas sentir que tu es un petit peu à bout de souffle et tu vas l'entendre beaucoup parce que de ce point de vue-là, il n'est pas nécessairement très silencieux. OK. C'est une question d'habitacle moins bien sonorisé ou c'est vraiment le moteur qui est Non, vocal? c'est le moteur qui ronronne un peu OK. plus fort parce qu'il est rendu vraiment à la limite de ses capacités. Pour le reste, un véhicule qui est assez bien équipé. D'abord, qui a un bon espace de chargement, faut le dire. On parle d'à peu près 1000 litres là, quand tout est en place. C'est intéressant, ça permet de transporter tout ce que tu veux. Ma femme n'a pas réussi à le remplir, fait que ça donne l'idée qu'il y a de la place en masse. La partie qui me dérange un peu, moi, c'est l'espèce de système multimédia au centre. D'abord, j'ai une version qui n'est pas la plus haute gamme. OK. Donc, j'ai pas l'affichage du système de navigation qui est optionnel. C'est pas grave, mais ça fait quand même un grand écran que tu as l'impression qu'il sert un peu à rien. Écran tactile qui se manipule assez bien. Sauf que ça dépend. Quand tu branches ton téléphone intelligent, c'est là que ça devient compliqué parce que ça te prend une application. On a l'espèce On the link là. de Mirror Link là, Ouais. que tu branches et mon téléphone a décidé que lui était comme plus ou moins compatible. Mais en fait, c'est plus l'auto qui m'a dit qu'il était plus ou moins compatible avec mon téléphone. Ce qui fait que quand je le branche, mon téléphone me dit qu'il est jumelé en Mirror Link, mais la voiture, elle, ne le reconnaît pas. Ce qui fait que mon téléphone devient complètement inutilisable. Ce qui n'est pas de mauvaise chose, vous me direz, en termes de sécurité. Mais ce qui est un peu dérangeant quand tu as pris la peine de le jumeler en fonction Bluetooth pour être en mesure de parler à main libre. Pour le reste, écoute, c'est vraiment un véhicule qui ne pêche pas ni par son imagination, ni par un excès de zèle. C'est un véhicule qui fait très bien le travail et honnêtement, après plusieurs mois d'essai, 2 mois d'essai, c'est un véhicule avec lequel je me suis habitué. Au début, je le trouvais un petit peu élémentaire, je te dirais. Tu sais, j'avais l'impression qu'il lui manquait des choses pour être à la hauteur. Finalement, après 1 mois et demi, 2 mois, c'est un véhicule avec lequel j'ai plus aucune hésitation à faire de la route. Comme je t'ai dit, hier, je suis parti, je suis allé dans la région de Québec, je suis revenu dans la même journée, sans aucun problème de confort, siège chauffant aussi. Bref, sincèrement, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, plus je le conduis, plus me paraît intéressant dans son créneau. Est-ce que ce serait mon premier choix? Écoute, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les je dirais, le plaisir de conduite que procure, par exemple, un Mazda ou quelque chose comme ça. Tu sais, t'as un peu plus de sensation de conduite. En revanche, en termes de fiabilité, en termes de satisfaction de conduite, en termes de, je dirais, de confort général et de polyvalence, mon CR-V jusqu'à date est extrêmement intéressant. J'ai hâte de le ramener un peu dans des conditions plus chaudes, voir ce qu'il va me donner puis s'il va me redonner cet effet-là. Mais pour l'instant, je suis vraiment enchanté. C'est bon, mais comme tu parlais du système multimédia, là, le système multimédia d'Honda, j'ai beaucoup de misère avec moi aussi. Ah non, C'est moi, pas écoute, mon préféré. ah non, ça sert à rien, là. Je suis vraiment. C'est moins pire que Mazda, là, mais quand même, c'est pas vilain. C'est pas le meilleur, certain. Non, non, vraiment pas. Et toi, mon cher, qu'est-ce que t'as conduit? Moi, j'étais au volant pendant un petit peu après le temps des fêtes d'un Infiniti QX50. C'était bon, c'est le VUS d'un Infiniti, à peu près même grosseur qu'un CR-V, là. Qui était bon, c'est mon premier essai d'un véhicule Infiniti. J'avoue que j'ai bien aimé. Je vais tout de suite commencer avec les choses qui m'ont un peu agacé. Le véhicule que j'avais entre les mains était 50 211 $, donc on s'entend que c'est quand même un prix assez élevé. Pas de volant chauffant, pas de siège chauffant arrière. Siège chauffant avant, oui. Puis bon, habitacle fini avec des plastiques un peu durs à certaines places, mais ça, je peux excuser, là. Je sais que les constructeurs japonais, souvent, sont plus prédominants de mettre des plastiques plus durs que des plastiques plus souples, parce qu'ils sont plus robustes et des choses comme ça. Donc, c'est bien correct. Je trouvais juste que pour un véhicule de 50 000 $, je m'attendais à avoir au moins un volant chauffant, puis à pas me geler les doigts quand je partais le matin, quand il faisait très froid. Hey, t'es rendu pitoune de luxe. Pas à peu près. Pas à peu près. Mais, tu sais, j'ai une Leaf faite par Nissan qui coûte à peu près 20 000 $ de moins que ce véhicule-là. Puis j'ai les sièges chauffants en arrière, j'ai le volant chauffant. Donc je m'attendais juste au moins à un volant chauffant. Si un chauffant arrière, bon, on peut s'en passer, c'est pas encore démocratisé dans ce segment-là. Mais le volant chauffant, c'est pas mal de base, mais pas de base, mais c'est commun maintenant. Fait que je m'attendais au moins à voir ça. Pour le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé le véhicule. J'ai eu beaucoup de neige comparé à toi avec le CR-V pendant que j'ai eu mon Infiniti. Le système à traction intégrale, j'ai trouvé fabuleux. Je le testais même le matin. Des fois, je pars à 5 h le matin, il n'y a personne sur les routes. Fait que, tu sais, j'essayais de voir en partant plus vite, puis en voir si j'allais perdre le contrôle ou s'il allait avoir un peu de misère à garder une ligne droite. Aucunement. Le système d'Infiniti a l'air vraiment, vraiment très bien balancé. J'ai trouvé que c'était un très bon système de traction intégrale. Il est équipé du V6 de 3,7 litres qu'on retrouve dans certains produits Infiniti. En fait, c'est le seul moteur qui est disponible c'est pour ça. Ce véhicule-là. Là. C'est ça, c'est un V6 de 3,7 litres. J'aime beaucoup la sonorité de ce moteur-là. Je trouve qu'il y a un beau grognement pour un V6. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, ça donne un petit côté, un petit plus d'entendre ce beau petit grognement-là quand on pousse un peu. C'est sûr, si vous le poussez trop, ben ça va paraître sur la consommation d'essence aussi. Mais c'est un moteur qui est puissant, 325 chevaux, 267 livres-pieds de couple, boîte automatique à 7 rapports. Puis, on peut avoir les commandes de changement de vitesse, pas au volant, mais sont avec le levier de vitesse. On peut changer de vitesse manuellement. J'ai trouvé que la transmission était correcte. J'ai juste eu l'impression par bout à certains régimes moteurs, j'avais presque l'impression d'être avec une CVT. J'avais l'impression que la boîte de vitesse savait pas trop à quelle vitesse se mettre pour avoir un bon régime moteur pour donner la bonne puissance à cette rotation de moteur-là. Puis c'est aux alentours de 2000-2200 rotations minute. On dirait que la transmission savait pas nécessairement trop où se mettre. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui est hyper confortable, amusant à conduire, des bonnes accélérations, des bonnes reprises. J'ai trouvé que c'est un véhicule qui était vraiment intéressant. J'ai pas été du tout déçu. Je l'ai bien, bien aimé. En avant, la technologie Nissan est pas super... c'est pas la meilleure du marché, là, leur système de divertissement et tout ça, mais ça s'utilise très bien. Les caméras 360 qu'on retrouve dans des produits Nissan étaient aussi dans l'Infiniti. Donc, tu sais, c'est un beau package, comme on pourrait dire. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu avais la version avec l'ensemble des systèmes de sécurité? Il me semble que j'avais pas j'avais la détection de changement de voie, mais il me semble que j'avais pas le contrôle de vitesse adaptatif. OK, parce que faut le dire, là, le QX50 dans sa version la plus élevée arrive avec le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage assisté, l'automatisé en cas de collision frontale, avertisseur d'angle mort, aide au changement de voie, caméra 360. Bref, c'est un des VUS quand même les plus équipés dans sa catégorie de ce point de vue-là. Là. Évidemment, si tu prends le haut de gamme, qui te coûte les yeux de la tête, mais il est quand même disponible. OK, moi c'est ça. C'est sûr que dans la version plus haut de gamme, t'as toujours tout ce que t'as pas dans la version peut-être un peu en dessous. Mais pour moi, ça a été un super bon véhicule. comme je dis, juste des petites choses comme le volant chauffant que j'aurais aimé pour un véhicule de ce prix-là. Mais encore là, pour le reste, hyper stable, bon système audio, bon système de divertissement, bon connexion d'appareil par Bluetooth, super bien fait. Donc, c'est un véhicule que j'ai bien aimé. Donc, je referai un tour sans aucun problème dans un véhicule d'Infiniti. J'ai bien aimé. C'est très bien. Puis beaucoup de place, là, on est parti en famille, puis aucun problème. Donc, j'ai bien aimé ce petit véhicule. Effectivement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mon cher. Super. Pour la première fois sur Ça roule radio, on accueille Martin Archambault de l'Avec. Salut, Martin. Salut, vous autres. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben, très bien, merci. Merci de m'accueillir dans votre nouveau format d'émission. Bien content de m'y joindre. Ben, merci de venir te joindre à moi et Marc pour jaser voiture électrique. Bon, Martin, t'as plusieurs sujets pour nous cette semaine, là. Je vais te laisser prendre la parole, puis nous autres, moi puis Marc, on va embarquer pour te poser des questions, des choses comme ça. Ouais. Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux faire l'innocent et peut-être demander de préciser c'est quoi l'AVEC, donner un peu plus de détails? Bien sûr, bien sûr. C'est l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est un organisme à but non lucratif dont les buts, les visées sont de faire la promotion et de démocratiser l'information en lien avec les véhicules électriques. Principalement là par de l'information via notre site web et une multitude de services dont un service d'essai routier gratuit des différents véhicules disponibles au Québec, des conférences, des journées thématiques sur les véhicules électriques. Donc notre but, c'est de faire connaître et de donner l'information neutre et impartiale. C'est bon. Ouais, c'est juste parce que je sais que les auditeurs de Luc te connaissaient, Martin, mais il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous parce qu'on est maintenant diffusé à plusieurs endroits. Alors, je trouve ça comme important de préciser, en fait, quel était le but de l'association. Ben, c'est bien gentil. Bien gentil de me permettre de le faire. Oui, c'est une bonne idée de penser à ce que j'ai pas pensé. C'est un travail à temps plein, ça, Luc. Si on commence à penser à ce que tu penses pas, Luc, on est là pour longtemps, là. Oh, on va y aller, moi, là. Fait continuer, puis... Bon, Martin, de quoi tu nous parles cette semaine avant que ça dégénère? J'ai quelques petits sujets. On va parler, bien entendu, de véhicules électriques. Je vais essayer de vous donner un peu d'informations sur les nouveautés en vrac des dernières semaines, des différents modèles, les nouveautés ou ce qui est annoncé de la part des manufacturiers. Mon premier point, c'est une information selon laquelle Porsche a récemment, par le biais de son PDG, là, M. Blum, a indiqué que Porsche n'avait pas l'intention de se lancer dans l'aventure des voitures autonomes. Porsche croit aux véhicules électriques ou aux véhicules hybrides branchables, mais ne croit pas s'en aller, en tout cas à court terme, vers la technologie des véhicules autonomes. On parle de plus en plus et on confirme une version de la 911 qui serait hybride branchable, probablement pour une présentation faite en 2018. Ce serait un véhicule qui aurait environ 30 000, là, pas tout près de 50 km d'autonomie si les prévisions actuelles se maintiennent. Non, c'est pas pire comme idée. Puis je suis d'accord un peu avec le PDG de Porsche, c'est qu'une Porsche... Le plaisir de conduire une Porsche est presque indéfinissable. Fait que si t'enlèves ce plaisir-là, je veux dire. Ben, c'est exactement ces mots-là. J'imagine que t'es élu. Pas du tout. Je fais juste penser ça tout haut. Non, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit notre voiture est tellement plaisante à conduire que la dernière chose qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que les gens ne la conduisent plus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la seule raison pour laquelle on achète une Porsche. Là. Ouais. On ne payera pas 100 000 $ pour un véhicule qui va se conduire tout seul quand on achète une sportive historique comme une Porsche. Je comprends très bien l'intention. Comme tu dis, par contre, Porsche est déjà bien implanté dans le milieu des véhicules électriques avec ses e-hybrides là, mm-hmm. qui existent déjà, la Panamera, la Cayenne. Alors qu'une 911 arrive, on est bien content. Et il y aura en tout cas, si on se fie au design, elle devrait être absolument magnifique en plus. Là. Ça devrait. Et oui, on laisse pas un autre beau modèle d'auto électrique qu'on va plus être en moyen de regarder que de s'acheter, mais en tout cas, quand même, c'est de voir des gros constructeurs qui s'y penchent et qui mettent leur technologie aussi, puis leur équipe de recherche et développement là-dedans, c'est intéressant, ça fait avancer la science, comme on dit. Ouais. Autre nouvelle de Volvo qui a définitivement dit non au modèle électrique avec prolongateur d'autonomie, là, les Range Extender, comme on retrouve sur la BMW i3, par exemple, là, ou la Volt. Mm-hmm. Donc, Volvo veut plutôt miser sur des véhicules 100% électriques. On nous parle de plus en plus d'un modèle 100% électrique qui aurait une autonomie d'environ 500 km qui serait prête pour 2019. Les prévisions de Volvo se font basées sur une nouvelle technologie de batterie sur laquelle des équipes de recherche là, affiliées à Volvo travaillent actuellement, donc sont confiants de pouvoir atteindre ces degrés d'autonomie-là dans les prochaines années. Donc, il y a eu au courant de la dernière année des spéculations à l'effet qu'il pourrait y avoir un modèle de Volvo électrique avec prolongateur d'autonomie, mais avec cette nouvelle déclaration-là, là, je pense que ça vient de tirer le trait là-dessus. Donc, si Volvo sort des nouveaux modèles de véhicules électriques, ça devrait être 100% électrique. Ah, intéressant. Ouais, bonne nouvelle. Je sais qu'ils ont travaillé beaucoup avec Ericsson, entre autres, la compagnie là, de cellulaire notamment et de technologie, mm-hmm. pour développer des voitures qui étaient électriques et autonomes. On va voir où ça va se rendre. 2019, ça me semble un peu serré comme échéancier. On va quand même leur souhaiter bonne chance, par contre. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est oui. Il y a beaucoup d'ambition hein, là-dedans comme dans le reste, puis des fois les objectifs de time frame sont pas toujours respectés. Même la populaire Tesla s'en vient spécialiste là, dans les dates et les rapports de dates. Oui, c'est ça. C'est un petit peu peurant. Ça me permet de faire le pont en même temps avec mon autre nouvelle qui était la nouvelle à propos du prix de la Model 3. C'est un secret de polichinelle. Là, les chiffres circulaient depuis déjà un bon bout de temps. Puis il manquait juste comme la confirmation soulignée au stylo feutre fluorescent jaune. Là. Mais ça semble bien confirmé que la Tesla 3 va coûter 35 000 US. Là. En fait, il y a plusieurs déclinaisons du véhicule, un peu comme la Model S, là, tout dépendant des options. On sait que acheter une Tesla, c'est acheter un package de base et une multitude d'options qu'on prend après ça à la carte. Donc, le prix varie énormément. Mais le modèle de base devrait coûter 35 000 US avant les incitatifs. Donc, on sait qu'aux États-Unis, là, il y a des incitatifs qui varient un peu d'un État à l'autre. La Californie, entre autres, est assez généreuse. Ce qui fait que le modèle pourrait revenir quelque part entre 25 et 28 000 $ tout dépendant des États aux États-Unis. Du moins, à ce qui est annoncé actuellement. Et la question qui nous vient à l'esprit, un peu comme pour la Bolt et les autres modèles de véhicules électriques pour lesquels on a des prix qui sortent aux États-Unis, c'est qu'est-ce que ça va coûter rendu ici en dollars canadiens et, en tenant compte là, de notre modèle ou de nos modèles, je devrais dire, de fixation de prix puis de rabais gouvernementaux à l'achat de véhicules. Donc, est-ce que ça va demeurer une fois rendu ici un véhicule à prix compétitif, si on regarde le rapport autonomie-prix, là, je devrais dire ça comme ça. Donc, c'est à voir, mais semblerait que c'est confirmé pour le 35 000 US, donc reste à voir ultimement en canadien ce que ça va donner. Moi je vais me permettre d'avoir un énorme doute sur la Tesla 3. Cette semaine, ils ont confirmé qu'ils la dévoileraient le 31 mars, sauf qu'ils ont aussi confirmé qu'il y aurait seulement des photos. Ouais. Qu'il n'y aurait aucune photo de l'intérieur et qu'il ne donnerait aucun détail technique. Par contre, tu vas pouvoir la précommander, mais le prix, lui, n'est pas confirmé en fonction des options. Honnêtement, tu vois, c'est exactement le genre de dossier qui me rend très, très, très sceptique à l'égard des voitures électriques. On a l'impression qu'on veut flirter avec une opération marketing qui est plus grosse que nous autres. J'ai un petit peu de misère avec ça. Tu sais, la Model X, ils nous l'ont annoncé pendant 3 ans avant de finir par la sortir et encore, il y a surtout compte goutte. Alors, j'ai bien hâte de voir là, si la Tesla 3 va enfin atteindre ses objectifs. Parce que pour le moment, c'est pas très convaincant. Là. Non, puis rentrer dans les temps aussi qu'ils disent. Puis, moi, tu sais, la Tesla 3 m'intéresse. Ça fait longtemps que je regarde ça. Je me dis, ah, quand la Tesla 3 va être annoncée, puis tout ça, c'est peut-être ma prochaine voiture. Mais je regarde ça, puis je me dis, OK, ouais, tu peux mettre un dépôt, ça va te coûter 1 000 $, mais. Pas de prix final, pas de détails sur ce que tu vas avoir en dedans, pas vraiment grand-chose. Je me dis, peut-être que je vais attendre finalement, puis je vais juste jouer la carte du pas pressé. Écoute, ça donne l'impression d'être Apple. Là. On va sortir le iPhone 7, là. Allez faire la file sur le trottoir jusqu'à demain matin. Vous allez savoir demain matin ce que vous allez pouvoir acheter. J'ai un petit peu de misère avec cette opération marketing. Là. Non pas que je crois pas à la technologie. Là. Je pense que Tesla a prouvé qu'il était capable de le faire. Ouais. Mais honnêtement, pour le prix, là, moi, j'ai bien, bien hâte de voir une vraie facture. Ouais, puis j'ai hâte de voir aussi avec la Bolt, parce que quand j'ai parlé au président de GM Canada à Toronto pour la Bolt, j'ai dit, tu sais, vous avez la possibilité de prendre le marché avec ça parce que vous allez être les premiers. J'ai dit, mais avec le taux de change et tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, on a l'intention d'être agressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont-tu, tu sais, prendre une partie des coûts du taux de change pour offrir un produit compétitif. Parce que s'ils font juste prendre le taux de change, l'auto ne sera plus abordable rendu ici, là, avec notre argent qui vaut rien. Là. Mais bon. Moi, je pense qu'ils vont la faire quasiment au pair, ils n'auront pas le choix. Puis Tesla va devoir faire la même chose. La question, c'est est-ce que Tesla a les moyens financiers de supporter ce genre d'opération-là? Parce que l'autre problème, là, c'est qu'il va falloir la fabriquer sur une plus grande série. Évidemment, elle va être plus populaire. On verra ce que ça va donner. Ouais, ouais. Mais j'ai hâte de l'avoir quand même. Moi aussi. On a tout out. Oui, on a tout très, très out. Dans un autre ordre d'idée, Cadillac a confirmé la fin de la production de la Cadillac ELR. Modèle qui a jamais vraiment connu de popularité, en fait. Là, seulement 1024 voitures ont été vendues en 2015 aux États-Unis, puis 2047 véhicules vendus depuis son lancement en 2013. Ouais, j'ai failli dire à la blague qu'au Canada, le président de GM a appelé tous les propriétaires personnellement pour leur annoncer la nouvelle. Là. Ouais, puis c'est probablement pas loin de la vérité. On peut pas appeler ça un gros succès. Plein de raisons peuvent expliquer ça. Là. C'est un, effectivement, quand tu regardes le véhicule, là, ça ressemble, c'est vraiment une Cadillac. Hein, c'est, je pense qu'ils sont allés dans le... contrairement à d'autres fabricants qui ont voulu démarquer la ligne de produits électriques de leur ligne standard de véhicules, Cadillac a vraiment fait une Cadillac qui ressemble à une Cadillac. Maintenant, c'est pas, peut-être pas le type de clientèle et non plus des caractéristiques de véhicule quand on regarde le prix versus ce que ça donnait comme véhicule électrique ou hybride branchable. Là, c'était pas la grosse affaire. Non. Ça a jamais levé, fait que je pense que... On va s'en rappeler d'un livre d'histoire, ça va être à peu près tout. C'est un peu comme tu rentres chez un dealer GM qui a Cadillac aussi, tu dis « Ouais, je m'achète une ELR ou deux volts. » Ouais. Mais en fait, parce que le problème, c'est que c'était la même technologie avec la même autonomie. Exactement. Tu peux pas payer 85 000 $. Ça a beau être belle, puis je l'ai conduit, je l'ai essayé, ça va bien. Mais à 80 000 $ là, il y a d'autres choses qu'on peut s'acheter pour ce prix-là. Là. Ouais, faut que ça soit vraiment beaucoup meilleur qu'une Volt pour payer ce prix-là, puis ça l'était malheureusement pas. Ouais, ou être vraiment vendu. Écoute, un dernier petit point rapide, parce que je sais que la chronique tire à sa fin. Les rendez-vous, branchez-vous, qui s'en viennent dans quatre villes du Québec cette année, Québec, Montréal, Gatineau et Drummondville. Donc, Montréal, les 16-17 avril, Gatineau, 7 et 8 mai. La région de Québec, 28-29 mai, et Drummondville, 18-19 juin. C'est le moment de venir regarder les véhicules, parler à des propriétaires, faire des essais routiers. Donc, c'est un gros événement dans le monde des véhicules électriques. Ceux que ça intéresse, tous les détails se trouvent sur le site de l'AVEC, www.aveq.ca. Super, Martin. Si les gens veulent te rejoindre, nous rejoindre l'AVEC, comment est-ce qu'ils font ça? L'adresse de l'AVEC, le site web, je viens de le donner, aveq.ca, mon adresse courriel, martin@avec.ca. Merci Martin. Merci. Ça me fait plaisir les gars. À la prochaine, on te reparle bientôt mon cher. Ça va me faire plaisir. Marc, on va pour la dernière section de l'émission, on va couvrir les nouvelles de l'industrie. Il y a plein de choses que tu as pris en note. Donc vas-y, puis je vais te suivre. Écoute Luc, j'ai décidé de te faire plaisir cette semaine. Ah, pour une fois. Et je vais te dire que pour une fois, tu vas pouvoir t'acheter une Tesla Model S. Ah, dis-moi pas, ça fait tellement d'années que j'en rêve. Écoute, bon, c'est sûr qu'elle est de la grandeur d'une véhicule pour enfants. Ouais. Mais quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est... Tu sais, la compagnie, quand on était jeune, tu dois te souvenir de ça, même si ça fait longtemps, on avait les petits wagons, tu sais, les espèces de petits chariots rouges en métal qu'on traînait dans le quartier. Bon, la compagnie qui fabrique ça s'est associée avec Tesla et ils produisent actuellement une Model S petit format électrique pour les enfants. Écoute, c'est sûr que c'est pas donné là, on parle de $499 US. Ouais. Comme c'est une Tesla, elle vient avec des options. Fait que ça fait jusqu'à $800. OK. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une voiture qui a vraiment l'air d'une Tesla. On a le volant et les sièges qui sont faits comme ceux de la Tesla Model S. On a même des phares fonctionnels. On a le même genre de batterie qu'on a dans la Tesla Model S. Et on nous dit que l'autonomie est meilleure que n'importe quel véhicule électrique. Et que, en plus, véhicule électrique évidemment pour enfants, et que le temps de recharge est de moitié à peu près ce que les autres véhicules électriques proposent. Bon. Y a-tu écoute, le, as-tu le droit d'acheter l'option Supercharger avec? Probablement, là. Ils doivent vendre toutes les... En tout cas, tant qu'ils ne vendent pas le Ludicrous Mode pour avoir un char électrique de 762 chevaux, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée pour un enfant de 6 ans, mais... Bonjour les casseurs. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais sérieusement, j'ai trouvé ça très drôle. D'autant que la voiture, elle ressemble vraiment à la Tesla Model S. C'est assez spectaculaire la façon dont elle est faite. Alors... Luc, si jamais tu veux t'acheter une Tesla, j'en ai trouvé une qui était à la hauteur de ton budget. Je suis sûr que tu es content. Ouais, hey, moi, avec 200 km d'autonomie, j'achète ça demain matin et je viens travailler au bureau. Ouais, le problème, c'est que par contre, il n'y a pas de toit. Alors, tu es assis et tu as les épaules et la tête qui sortent en haut. Ouais. C'est peut-être moins pratique en hiver. Peut-être moins aussi édifiant pour l'ego dans ben, le trafic, ça à 40. Surtout que la vitesse maximale est de 10 km/h. Alors, ça se peut que tu trouves le temps long un peu pour aller travailler, mais ça, c'est un autre débat. Ben, tu t'achètes des bouchons pour les klaxons aussi. Ouais, enfin. Alors, dans un registre un peu plus sérieux, Toyota qui fait un nouveau rappel, 2,9 millions de véhicules à travers le monde, 1,3 millions en Amérique du Nord. Ce sont les RAV4 des années 2005 à 2014. Les RAV4 électriques, évidemment, ça ne nous touche pas, mais c'est de 2012 à 2014. Mm-hmm. Et les Vanguard de 2005 à 2016 qui, eux, ont été vendus au Japon, qui sont l'objet du rappel. Pourquoi? Ben, c'est les ceintures de sécurité arrière qui posent un problème. En fait, c'est pas les ceintures elles-mêmes, c'est un petit morceau de métal qui agit comme un couteau. Quand la ceinture se tend, ça vient frotter un peu trop fort sur la ceinture et ça peut la couper. On dit qu'on a déjà relié deux incidents à la chose. Alors, évidemment, on ne prend aucune chance et on a décidé de faire un rappel. C'est un autre rappel super imposant qui arrive là dans la famille Toyota. Un peu dommage, mais coudonc, ça fait partie de la nouvelle philosophie des manufacturiers qui ont décidé d'être beaucoup plus prudents avec les rappels pour éviter des poursuites. Ouais, c'est ça, ça coûte cher des poursuites. Fait que des fois, vaut mieux le terme, l'adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir » s'applique très bien. Ouais, et en sachant qu'il y a probablement 50% des gens seulement qui vont aller faire le rappel, c'est probablement beaucoup moins coûteux et ils se dégagent de toute responsabilité de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Dans la série des nouveautés que l'on surveille au cours des prochaines semaines, tu sais, c'est le Salon de Genève qui se tient au début du mois de mars. Salon de Genève, c'est un salon dans lequel, généralement, il n'y a pas beaucoup de contenu pour nous parce que c'est extrêmement européen comme lancement. On a d'ailleurs, pour y être allé à quelques reprises, je peux dire qu'il y a beaucoup de designers qui sortent là-bas des affaires complètement flyées qu'on verra jamais chez nous. Il y a aussi, évidemment, toutes les compagnies européennes, là, les Renault, Peugeot et autres, qui en profitent pour dévoiler leurs nouveautés, dont la nouvelle Renault Alpine qui devrait être dévoilée là-bas. Bref, ça c'est ça, mais il y a quand même des voitures qui nous concernent davantage. C'est le cas, par exemple, de la Volvo V90. OK. Au Salon de Détroit, on a présenté la S90, qui est la nouvelle grande berline de la famille Volvo, qui a littéralement volé le show, tellement le design était beau, était attrayant. Alors, on a décidé de reprendre cet élément-là et de le transformer en V90. V, évidemment, pour la version familiale, la version station wagon. Elle est aussi belle, on a repris les mêmes lignes, et si vous avez l'occasion d'aller voir les photos, allez voir l'intérieur. L'habitacle de ce véhicule-là est absolument spectaculaire. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux sur le marché. Ça fait longtemps que j'aime les intérieurs de Volvo. Celui de la V90 est particulièrement bien réussi. C'est vraiment magnifique. Donc, évidemment, c'est un station wagon avec la ligne de toit très longue à l'arrière, un peu plus fuyante, là, un peu moins carré que ne l'étaient les anciennes générations, mais quand même, on reconnaît le style Volvo. Fait que Volvo, on le vend d'un voile depuis un petit bout de temps, et il présente de bons produits. Depuis que Volvo a été acheté par Geely, en fait, par la compagnie chinoise, ils ont recommencé à investir en recherche et développement. Le Volvo XC90 qu'on a dévoilé l'an passé a gagné le prix, cette année en fait, a gagné le prix du véhicule utilitaire de l'année en Amérique du Nord et honnêtement, c'était bien mérité. C'est vraiment un spectaculaire véhicule. Donc, je pense que ça fait partie de la suite logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va aussi y avoir une version cross-country de ce V90. Avant, on avait le XC70. Chez Volvo, maintenant, on a décidé de réduire notre gamme à trois volets. Alors, tu as les 40, tu as les 60 et tu as les 90. Les 40 étant évidemment les plus petites, on connaît déjà la S40 et on aura la V40. On aura donc un XC40 potentiellement, donc un petit utilitaire sport de petit format. On a les 60, tu connais le XC60 déjà, la S60 qui existe déjà. Ouais. Et bon, on est maintenant dans la section 90, les grandes berlines. Donc, on est vraiment là, chez Volvo, on a décidé de se réduire à ces trois gammes-là, ce qui devrait être amplement suffisant. Et honnêtement, si vous n'avez pas vu de Volvo depuis longtemps, faites la recherche, ça vaut la peine d'être vu. Ce sont des véhicules absolument spectaculaire. Ouais, ils sont en train de regagner les lettres de noblesse qu'ils avaient v'là plusieurs années. Là. Ils avaient perdu leur lustre à un moment donné, mais là, c'est vraiment en train de remonter. C'est drôle parce que tout le monde pensait que quand Volvo s'est fait acheter par Geely, que ça serait vraiment comme presque la fin de Volvo. Là, oh mon Dieu, les Chinois achètent Volvo. Ça va être catastrophique. Puis finalement, c'est totalement le contraire qui est en train d'arriver. Exactement. Ouais. Sauf que les Chinois ont bien agi dans ce cas-là. Ouais. C'est pas nécessairement le cas de ce qui s'est passé, par exemple, chez Saab, où les Chinois avait décidé de relancer la marque, mais à peu près, puis un peu n'importe comment. Alors que là, vraiment, chez Volvo, on le fait de façon structurée. On a même construit une usine en Chine pour satisfaire le marché local. Alors, bref, bravo à Volvo. Ils sont vraiment, vraiment en avant de tout le monde cette année. Et moi, je trouve que c'est absolument spectaculaire. Ouais, super. Toujours à Genève, on va en parler rapidement. La Kia Optima qui se présente dans différents formats. On nous avait présenté l'année passée deux concepts. Une Kia Optima hybride et une Kia Optima familiale. Ben, la Kia Optima hybride, on l'a déjà vue. On vient de la lancer la semaine dernière au Salon de Chicago. Donc, c'est une voiture hybride, branchable, 50 km d'autonomie, dotée d'un moteur 4 cylindres 2 litres, le même là, qu'on retrouve dans la Optima. Petite batterie de 9,8 kWh lithium polymère. Bref, quelque chose qui va faire à peu près 202 chevaux. L'idée, c'est qu'on estime que, en fait, ce que Kia veut faire, c'est améliorer sa moyenne de consommation de 20%, 25% d'ici 2020. Alors, on a absolument besoin de berlines branchables et je pense que c'est une première, mais ça sera pas la dernière. Celle qui nous intéresse le plus, cependant, parce qu'on est un peu européen dans l'âme, c'est la Optima familiale, qu'on va aussi présenter à Genève. Écoute, rien de nouveau, même motorisation, même accessoire, même tout. On l'avait vu l'année passée en version prototype. Ça a été le délire d'éloge. Ouais. Alors, Kia a décidé d'aller de l'avant avec cette voiture-là et ils vont l'offrir officiellement à compter de Genève, donc dans quelques semaines à peine. Est-ce que c'est confirmé pour le Canada aussi? Non, il n'y a rien de confirmé pour le moment. Et en fait, on n'a pas plus de détails qu'il faut non plus. Il va falloir attendre le lancement de la voiture. Ouais, ça serait intéressant parce qu'elle était vraiment jolie. Là. Effectivement. Effectivement, elle est très bien. Mais déjà, l'Optima, moi, j'aime beaucoup. Là, fait que je pense que c'est une belle réussite. C'est bon. Dans la série des gadgets technologiques que peut-être on va bien aimer, Ford vient de lancer hier sa suspension anti-nid de poule. Ouais, ça va être bon au Québec, ça. Ouais, effectivement. Et elle est bon. Évidemment, pour le moment, ça va être uniquement sur un modèle. Ça va être sur la Ford Fusion 2017, mais la version V6 Sport de 325 chevaux. Pourquoi? Ben, c'est une suspension adaptative. Donc, tu vas pouvoir, d'une pression d'un bouton, la mettre en mode sport, la rendre un peu plus rigide. Ça va contribuer à une tenue de route et à une maniabilité qui va être plus intéressante. Là où il y a une différence importante, c'est qu'on a effectivement un détecteur de nid de poule. Et là, je t'explique comment ça marche parce que j'ai trouvé ça super génial. En fait, quand ta voiture roule sur un bord de nid de poule, la roue descend évidemment dans le trou, elle n'a pas le choix. Tu as 12 capteurs haute définition qui sont logés tout autour de la roue qui vont sentir cette descente-là parce qu'eux autres, ils font un balayage à toutes les 2 millisecondes. Okay. C'est pas long, 2 millisecondes. Non, c'est très rapide. Donc, ils vont la sentir et ils vont resserrer le ressort de façon à ce que la roue ne se rende pas jusqu'au fond du trou. C'est un peu comme si une main attrapait la roue au vol pour l'empêcher de descendre jusqu'au fond. Okay. Une fois que ça c'est fait, ils vont aussi bien sûr s'assurer que de l'autre côté du trou, elle ne frappera pas trop brusquement. Donc, ils vont maintenir la pression sur le ressort pour s'assurer que tout est correct. Mais ils vont aussi envoyer un message aux suspensions arrière pour qu'elles aussi se deviennent plus rigides de façon à ne pas heurter trop fort le rebord du nid de poule. Donc, vous n'irez jamais, théoriquement, votre roue n'ira jamais jusqu'au fond. Et d'ailleurs, si vous allez fouiller un peu, ils ont fait une vidéo avec le système et ils ont mis des balles de ping-pong dans le fond du trou et ils ont roulé par-dessus et les balles de ping-pong ne sont même pas touchées par la roue. Alors, écoute, d'après moi, là, il va falloir attendre à l'été pour le tester parce que le véhicule n'arrive qu'au cours de l'été, mais j'ai bien hâte de voir le printemps prochain. D'après moi, Ford va avoir pas mal de succès avec ses suspensions anti-nid de poule. Ils ont fait leur test dans les rues de Montréal? Ouais, je sais pas, ils l'ont pas dit. J'avoue que j'aurais voulu leur poser la question, mais j'ai pas osé. Ouais, faudrait voir. Ben, c'est une belle place, on a une belle collection de nids de poule de différentes tailles, même des nids d'autruche. Effectivement. C'est bon, Marc. Donc, on a fini pour cette semaine. Puis, si les gens veulent te rejoindre, lire ce que tu fais, comment font-ils cela? Ben écoute, tous les sites de Netmedia, donc sur ecoloauto.com, autoféminin.com, sur VUS Mag, Luxury Car Magazine, des sites qui sont en français. On fait aussi le Huffington Post Québec, on fait affairesdegas.com, et bien sûr, ils peuvent me rejoindre soit par mon Facebook ou soit par Twitter à Marc souligné Bouchard. C'est mon Twitter. Je suis moins présent sur Twitter que toi, mais j'y suis encore un peu. J'étais presque parti. Hey, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme Dieu. Ouais, j'allais le dire, je me suis retenu parce que quand même. Mais, bon, moi, si vous voulez me rejoindre, c'est un peu plus simple, moins d'endroits. Sur Twitter, c'est Scalazormo. Vous pouvez aussi me lire sur le blog automobile de Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Je gère aussi le compte de Ça Roule Radio que vous pouvez trouver sur Twitter. On a une page Facebook, Ça Roule Radio. Vous pouvez aussi aller là. Puis vous pouvez nous rejoindre. On a une nouvelle adresse courriel. Si vous voulez nous écrire, c'est plus simple. Comme ça, moi et Marc recevons les courriels puis on va essayer de vous répondre le plus tôt possible. Ou si c'est des questions, on va peut-être le faire pendant une émission. C'est info@saroulradio.com. Donc, c'est une bonne adresse pour nous rejoindre tous les deux. Si vous voulez parler à une personne spécifique, juste mentionnez le nom dans le courriel, puis on va laisser cette personne-là répondre. Mais c'est une manière de nous rejoindre si vous voulez le faire. Sinon, il y a les comptes Twitter, la page Facebook et tout ça. Venez nous aimer sur Facebook. Vous pouvez nous écouter à la radio. On est sur Radio H2O. On est aussi sur Radio Highway. Vous pouvez nous écouter là. Regardez l'horaire. On joue quand même assez souvent dans la semaine. Puis, c'est à peu près ça. Je pense que ça fait pas mal le tour. Effectivement, mon cher. Je pense que c'est comme ça que cette semaine, on va vous dire bonjour. On va vous souhaiter bonne route et on espère que vous allez être avec nous la semaine prochaine. Bye tout le monde.